Le gouvernement chinois a décidé d'offrir des aides gratuites à la Corée qui a subi des dégâts d'inondation dans les régions septentrionales de la province du Hangang du Nord. Précédemment, la Société de la Croix-Rouge de Chine et l'ambassade chinoise en Corée ont aussi assisté les sinistrés.